Jack, pour la mission suicide. Admiral Boot, l'ordre d'attaque est confirmé. Je répète, l'ordre d'attaque est confirmé. Commandant Masta, lieutenant Eben, préparez vos masques, on y va. Affirmatif.